Je suis rentré bourré, oui. Donc maman s'est fâchée. Pardon. J'ai pipi toute la journée, oui. Donc papa s'est fâché. Pardon. J'ai offert des cadeaux, mais le fiston est fâché. Pardon. J'ai trompé madame, donc madame est fâchée. Oh, t'es saoulé, j'ai pas des saoulés. T'es saoulé, j'ai pas des saoulés. T'es saoulé, j'ai pas des saoulés. T'es saoulé, j'ai pas des saoulés. Marrakech, Pattaya, joint blunt, Faya. J'ai fait le plein Porsche Cayenne. Pendant que t'as dit c'est la caillasse. Coup de bouteille dans la 2D. Belvé, belvé, belvé. Je sens Gucci, ça tu rêvais. Niveau élevé, élevé, élevé. J'suis rentré bourré, oui. Donc maman s'est fâchée. Pardon. J'ai pipi toute la journée, oui. Donc papa s'est fâché. Pardon. J'ai offert des cadeaux, mais le fiston est fâché. Pardon. J'ai trompé madame, donc madame est fâchée. Oh, t'es saoulé, j'ai pas des saoulés. T'es saoulé, j'ai pas des saoulés. T'es saoulé, j'ai pas des saoulés. Elle a tourné dans tout Paris. Et elle ose me dire c'est comment. On s'était dit on s'attache pas. Elle a vu le buzz, elle devient collante. Amnésie, globale. Amnésia, locale. Gueule de bois, vodka. Very bad trip, vodka. J'suis rentré bourré, oui. Donc maman s'est fâchée. Pardon. J'ai pipi toute la journée, oui. Donc papa s'est fâché. Pardon. J'ai offert des cadeaux, mais le fiston est fâché. Pardon. J'ai trompé madame, donc madame est fâchée. Oh, t'es saoulé, j'ai pas des saoulés. T'es saoulé, j'ai pas des saoulés. T'es saoulé, j'ai pas des saoulés. T'es saoulé, j'ai pas des saoulés. Serveuse pour boire, Jagda, trou noir, chicha, beurette, Tello, levrette, négresse, fâchée, marine, placée, Black M, Verdun, marine, fâchée, Aïmoun, de beigne, Ita, suré. Est-ce que ce morceau sera censuré? Jagda, Belvé, bouteille, Bénère, Magnum, champagne, cristal, plein air. T'es saoulé, j'ai pas des saoulés. T'es saoulé, j'ai pas des saoulés. T'es saoulé, j'ai pas des saoulés. T'es saoulé, j'ai pas des saoulés. Bon, bon, bon, bon.